23-25, activation, discrimination auditive, perception du futur. Indiquez si les phrases que vous allez entendre sont au présent ou au futur. Cochez la case qui convient. 1. Tu lui réponds? 2. Je lui répondrai. 3. Il pleuvra sûrement. 4. Vous venez? 5. Tu viendras? 6. Il retéléphone. 7. Vous me téléphonerez? 8. Il faut voir ça. 9. Il faudra faire ça. 10. Elle ne voudra pas. 11. Vous voulez bien? 12. Vous trouverez? 13. Vous croyez? 14. Vous voyez? 15. Vous verrez. 16. Ils reçoivent beaucoup. 17. Vous aurez le temps? 18. J'ai faim. 19. Tu finiras une autre fois. 20. Nous vous attendons.